Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM au canalsud.net. C'est l'émission Nuisance qui commence à l'heure, comme d'habitude. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM au canalsud.net. Je vous précise qu'actuellement l'émission Nuisance a certains problèmes de management et que l'absentéisme est de rigueur, et souvent de rigueur. Sur Canal Sud, on fait pas de dédicace d'habitude, mais j'ai quand même enculé mes parents ce soir. Papa, maman, je vous sodomise. Spéciale dédicace à papa, à maman, à papa. Allez vous faire enculer. Toutes et tous. Désolé. Merde. Merde. Merde. Papa. enculés, tous et toutes, vous allez mourir en enfer. Oui. Les enculés de papa et de maman vont se faire bouffer par les vers, c'est sûr. À mort la famille. À mort la famille. Ça y est, c'est lancé, Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, même que ce que je dis c'est vrai, vous encule. Some other world, there were people that were happily ever after dying in pain. Those stupid fathers and mothers, those assholes, those motherfucking asswipes. I kill them with my own teeth, those fucking fucks. I hate you, motherfuckers, father fuckers. I hate you all. You're gonna die, you know? You're gonna die. You're already dead. You're already there. Dead. Stupid fucks. You've got to understand, I cannot say this in French. France is censored. Censorship. Everywhere. Fuck, fuck, fuck you, fuck me, fuck everybody. We don't give a fuck anymore. We're all gonna die. L'état des ensembles réactionnels agissant sur le tranchant. La passion de l'agir en tant que humanisation de l'instant. La machine, la machination machinale, machine, les machins machinants. Alors que de l'autre côté des azures, travaillant sur le groupe, les sexes transpirant la puanteur de l'oubli, les poteaux, les graphiques et autres camemberts chiffrant ne décomprend rien. And the ruggedness is emanation on the ing verbal transitional verge of ABC and etc. What I mean is, the thought patterns are shaping randomly. The freedom only best of known to humanities and beings. The way we feel the same. One is transitional patterns from outer space. Whereas I feel communication is only one. Ethics and rummaging, fouillant l'être. Humanity, one and only. La préciosité comme infériorité va te faire enculer, papa. Pas de transition. La destruction de l'azur. Des agrégations, des enclenchements, des espoirs va te faire foutre enculé. Alors que les noyaux demeurent sur le tas, maman va te faire baiser par papa. Les observateurs, soldats de l'or, oui, suce-le bien. Les guns sont mis en main par le subtil. Pénibilité d'appartenance et va te faire enculer par papa. À l'ensemble, reposant sur l'angle, pierre d'achoppement de l'industrie va te faire enculer papa. Impersonnel en tant que par maman, que prise de bec, prise en main, prise de parole, tout en cas, les sandwicheries, les badges, the badgers and la drepou. J'ai mangé une salade. Avez-vous bien compris ? going wrong with everybody. Ah merde, j'ai encore appuyé sur le bouton. Pourquoi j'ai pas fait ce qu'il m'avait dit? L'enculé, il faut qu'il meure. T'entends? T'entends? C'est ta tante qui le dit. Il faut qu'il crève, cet enculé. Il faut qu'il crève. En deux mots, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Le deuxième mot, c'est nuisance. L'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Elle vous encule comme d'habitude. Allez vous faire foutre. Vous êtes vraiment que de la merde. Vous puez de la gueule. Oui, comme moi, c'est ça. Comme mes parents. Mes parents, c'est de la merde. Donc il faut les enculer. Je veux dire, ça leur ferait plaisir. Beaucoup de plaisir. Selon la définition bouddhiste du terme, le plaisir c'est la libération de la souffrance. Si on les encule jusqu'à la mort, ils sont libérés de toute souffrance. Donc n'hésitez pas à enculer mes parents. Ce sont des enculés. Des enculeurs de mouches qu'il faut buter. Voilà. Spéciale dédicace à papa, maman, je vous aime pas. Si quelqu'un m'entend, enculez mes parents. Jusqu'à la mort. Enculez mes parents. Enculez-les. Et les parents. Ils sont les parents. Enculez les parents. Enculez. Enculez mes parents. Enculez-les, ce sont vraiment des enculeurs de mouches. Des enculés de merde. Il faut les buter. C'est dédicace à papa et maman, je vous aime pas. Oh my god, what is going on? We don't understand fuck. I don't shit you if you give a motherfucker. Fuck you. Fuck you, schmuck. Fuck you, piece of shit-ass wife, motherfucker. Daddy, fuck you. Die. Transpire, papa. J'en ai rien à foutre. Tu n'es qu'une merde, père. Ça rime avec merde, enculé. Shit! You're a piece of shit, motherfucking father. Die, you stupid fuck. And mother, you die too, you stupid bitch. Suck daddy's dick. Fuck you. You gotta be kidding me. This is not music. This is shit. Well, yeah, it is shit. Fuck you. Eat my shit. it and eat it, you stupid motherfucking father of mine. Father of mine, lick my ass and eat my shit, you fuck. You're about to die again, once more, and you're never gonna be born again. Aren't you happy about that? You're free, vous êtes libre, enfin vous allez mourir, vous allez jamais renaître. Oui, c'est la mort, elle arrive pour vous, papa, maman, vous êtes de la merde. J'ai oublié de préciser que cette émission est sponsorisée par toutes les couches possibles et imaginables, également les contraceptifs. Vous êtes au courant, donc allez-y, baisez-vous les uns les autres. Également donc sponsorisée par tous les gamins possibles et imaginables, inimaginables, j'oserais même dire, les gamins. Donc vous pouvez en avoir un en baisant si vous voulez. Et il faut le garder, donc le garder et ensuite le punir, et le frapper. Ensuite vous lui parlez pas, et vous le torturez, et à la fin il va se tuer lui-même, vous allez voir, c'est rigolo. Papa, maman, je vous aime pas. Vraiment que de la merde. Que de la merde. Vous êtes que de... Allez, on arrête les conneries, on fait de la belle et grande musique, et du grand art également, c'est important, le grand art. Donc je vais vous lire un extrait d'un truc, je sais pas, c'est du grand art, c'est dit, voilà. Donc c'est l'extrait, donc c'est dit, voilà, c'est un extrait d'un grand art, c'est dit, voilà, donc je le répète, c'est donc l'extrait du grand art de ce soir, c'est dit, voilà. Voilà, donc émission spéciale dédicace à papa maman, je vous encule. Et donc c'est dit, voilà, c'est ça, c'est l'extrait de ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire. Que dire et ensuite allez vous faire enculer, bien sûr. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. Et il y a aussi ça à dire, quoi. Donc c'est dit, voilà, c'est l'extrait de ce soir. Je vous laisse apprécier. Voilà, c'est du grand art pour vous ce soir. Achetez ça dans vos gueules. Oh putain, ça va péter. Merde. Putain, je crois que j'ai fait une connerie là. Ouais, j'ai fait une connerie. Papa, maman, je vous encule. Et n'oublions pas l'harmonie avec laquelle la nature ne serait même pas là. L'harmonie et le rythme, la grande musique de ton cul va te faire enculer, bâtard de merde, ta gueule. Oui, l'amour de merde, j'encule ta mère, va te faire bouffer la bite par une chatte de merde, enculé. C'est dit, l'extrait de ce soir. Ça signifie beaucoup pour moi. Ça signifie tellement que de crever les abcès purulents que je suis une merde humaine. Je suis une merde humaine. Comme vous, comme nous. Je mérite de mourir. Papa, maman, je vous encule. Oui, j'accepte. Je vais me suicider. Je suis ton père, je mérite la mort. L'accablement. Nous méritons la souffrance d'avant la mort aussi. Va te faire enculer, Jacques de merde. Bouffe ma bite pleine de pu. Enculé. Mon papa est une merde. Mon papa est une fille de chiotte, d'enculé, de race de pute, d'emmerde. C'est un fils de rute. Il a baisé pour avoir son fils et il l'encule maintenant parce qu'il en a marre de sa foutue femme. Il veut un trou frais, c'est ça qu'il veut. Il veut prendre mon cul, cet enculé, cet enculeur de mouche. Mon papa est une merde, c'est un fils de rute. Tout ce qu'il sait faire, c'est baiser les gens. Et il se baisse jamais lui-même, c'est un enculé, je vous dis. Butez-le, mon père est une merde, butez-le. Butez-le pour moi, comme ça ce sera pas vous, ce sera moi. Voilà. Ouais, merci, papa. D'accord, j'adore. C'est super, merci pour ton cadeau, enculé. Ouais, j'ai appris le piano grâce à mon papa. Vous avez vu comme je joue bien? Ouais, je sais, c'est pas très bon dans le rythme, mais l'harmonie, elle est là, t'as vu? Ouais, va te faire enculer, Jacques. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai, je suis qu'une merde. Ah, ce serait le rêve. Ouais, je vais me suicider, t'as raison. Cool. Bien fait pour ta gueule. Bon débarras. Va chier. Tous les parents, c'est des merdes. Qui s'enculent entre eux. Et ma maman, c'est une merde aussi. Et mon papa, c'est une encule. Ambulante. Pain, pompin. Un pain dans la gueule à mon papa Mounet. Oh, je l'aime tellement pas. Ouais, ça c'est de la grande musique, les gars. On est parti pour la soirée, on va s'éclater. Ouais. Ah, pardon. Donc voici un extrait de la dernière sonate de Jean-Sébastien Bach, ou peut-être un enculé de Jean-Jacques Goldman, je ne sais laquelle. Faire différence, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est de la merde. Voilà, donc je vous le dis parce que vous n'êtes pas capable de vous le dire vous-même. C'est de la grosse derme, c'est à chier, t'sais. Ça donne envie de vomir en fait. Et ça donne une chiasse constipante qui a à peu près duré comme une dysenterie, à peu près 3 mois quoi. Donc je vous préviens, n'écoutez pas cette merde. Ah là c'est mieux déjà. Ah ouais là c'est mieux là. Ouais c'est beaucoup mieux. Ouais. Allez fuck là. Tout ce que je vois, c'est des cadavres morts. Quelle bande de merde. Quelle bande de cons. La sacro-sainte réalité humaine est à chier. Les humains méritent la mort en souffrance. Souffrez, sales cons et connes. Go fuck yourselves, fuck faces, die in horrid hell and paint all rambucket jackets covering your filthy cum in plastic, horrible creatures, us. The disgust is everywhere. Le dégoût est partout. Il suffit de tourner la tête, ouvrez les yeux, voyez vos mamans et vos papas vous dégoûtez et regardez-vous, vous êtes puants. It's there, and it rots in itself. Languidly, suavely, placidly sits there, and is the us of impassioned hate, revenge. I hate it all, revenge of my own messed up state of matter. La matière. Matière déambulatoire. En ambulance. Des pains qui méritent. Mon papa. Ma maman. Des pains qui méritent. Matter of fact, it seems strange to me. I mean, how many me's can there be? Like it's so distasteful. I languish. Language. Non-attainment. Non-fulfillment. Of this form. Death I smell. It's all over me. It tickles. Vaporous tickles of the shape skin. Fields of rotten flesh. Already dead, I mean. Already dead. Déjà mort. It's been all over for so long. Les humains craignent. Nous, les humains, craignons la mort. Et la conscience de celle-ci. Alors quoi? Pourquoi? Quoi? Je veux dire, c'est tout emballé, c'est pesé. Comme un pesticide. Comme un insecticide. L'insectoïde anti-insecte. Apparition par mutagène. Le membre nombreux. les apprentissages se faisant par l'envers de l'accélération. Toute tentative subtile au nom du contraire est futile, comme l'été brûlant et l'hiver gelant, le figé du froid, le pesant du chaud, le piquant du dard, la brûlure de l'antre, les refuges, les interpossessions, plutôt être humain, l'insecte en cage, aquarium. Fuck Aquarius. Aquarius is dead. What we need is an aquarium with money in it. That's what we want. We want money. Cause you piece of shit, you're gonna die. You're gonna rot in hell for that. You're gonna rot in hell. You haven't understood yet cause you're piece of shit, you know? You're so fucking stupid. I hope you die in horrid pain alone. You fucks. Who is he? Who am I? I don't give a fuck. Fuck you. Look at yourselves. You're nothing to me. I hate y'all. You're nothing. Vous n'êtes rien pour moi. Vous n'êtes même pas là. Vous êtes meurt. Vous êtes meurt. Vous êtes la meurt. Vous êtes la merde. Vous êtes tout sauf la vie. Sauf l'amour. Tout, tout. Vous êtes mort. Vous êtes mort à moi. Papa, maman, je vous aime pas. Allez vous faire enculer par tous vos putains de banquiers avec toute votre putain de fric. Bâtard. Donc du grand art ce soir, difficulté, atteinte de l'altérationalisation parallèle, mais non même directionnelle, l'avoir. L'avoir nous lave tous les soupçons hors de cul de pointe à gueule. Dans le nid coulant, le nœud, la purulence du toit, de la chatte brûlante sur ce toit, donc toujours aussi absurdité de l'azur, comment non ne pas se questionne l'autre altérité arc-en-ciel, prendre toujours avec soi les antres folies meurtrières, tous les gens mourir. Les mourir, c'est les gens bons. C'est des tasteful manners destroyed by the symbolic knot. Not. You're nothing. Vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. We're nothing. Nothing. Pieces of shit. You deserve that. C'est trop beau, putain, c'est de l'art, hein, ça, y'a pas à chier, putain, c'est du grand art, bordel de merde. Ouais, vous êtes du bas-peuple, c'est ça, vous voulez des basses, quoi. Je suis un démagogue ce soir, je vous démagogise la tronche avec de la merde. Mais, famille de merde, enculez-vous ! Enculez-vous ! Enculez-vous les uns les autres, qui disait ! Enculez-vous les uns les autres, qui redisait ! Thank you. Vous m'entendez? Ouais, moi je m'entends. Je vous entends pas trop bien en fait. Vous pouvez répéter? Ouais, je t'entends, ouais. Putain, c'est génial. Ouais, je t'entends, mec. Putain, c'est super. Ouais. Bon, bah, bienvenue à tout le monde, c'est Nuisance. Ouais, va te faire enculer toi aussi, merci. Il y a comme un décalage. Ouais, c'est des barges, faut leur pardonner, quoi, je veux dire, pardon. Les imbéciles. Ouais, c'est des barges, faut leur pardonner. Non, c'est horrible, faut tout arrêter maintenant. Calmez-vous. Non mais calmez-vous les gars. Merde. Putain, vous êtes jobard les gars. Jobard. Putain, ils font chier, tu sais. vedette. Du fond livre de la forêt, il y a une espèce de bande de barjots qui veulent absolument faire du bruit. Ces gens sont des barjots, comme je vous l'ai déjà dit. Ils n'arrêteront devant rien pour faire du bruit. Le bruit, c'est l'amour, la mort, tout à la fois et rien. Le bruit, c'est tout. Merci pour eux. Si vous avez une petite pièce. Bien besoin. Nuisance pour vous ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net et également en Auvergne. Oh, toute civilisation. Au fin fond du livre de forêt, des barjots s'entretiennent à cultiver leur haine. Bon, vous avez fini, bande de barjots de merde. Vous préférez pas me parler? Vous voulez pas me parler? Vous me demandez comment ça va, par exemple? Thank you. Yeah, fuck. To say, my father and my mother are full of shit. Casse-toi, Sarkozy. Thank you. Je vous présente Autiste et Gab pour vous ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net en direct du Livradois Forez. Fuck les Livradoisiens Forésiens sur Nuisance. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Autiste et Gab. Papa, maman, va te faire enculer. Mais vous arrêtez pas, les gars. Non, mais vous arrêtez pas, les gars. Non, mais vous arrêtez pas, les gars. Vous arrêtez pas, non. Non, mais vous arrêtez pas, les gars. Thank you. Ouais, je suis un enculé, ouais. Comme mon papa. Ouais, je suis un enculé comme mon papa. Comme mon papa. Et ma maman. Ma maman. Ma maman. Ma maman. Je suis un enculé. Ce soir, Gab est autiste. autiste et Gab, et Al exactement, pour vous ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Entendez ? C'est en décalé! En décalé! C'est en décalé, les gars! Je comprends plus rien! Tu es mon père, tu es ma mère! Tu es les! Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance. L'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Et en ce moment même, dans le Livradois Forez, en fin fond de l'Auvergne ambertoise, il y a Gab et Autiste, Gabi et Yo, qui vous font chier. Il entre les tonneurs. ce soir. Thank you. Ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances avec Gab, autiste, Al. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais parler à quelqu'un, s'il vous plaît. J'aimerais parler à quelqu'un, vite. Attends, ça va. Attends, ça va parler. Attends. Parce qu'il y a un décalage, tu vois. Tu m'entends ? Ouais, moi je t'entends au téléphone. Ouais, au téléphone, ouais. Mais ça a fait un gros décalage, tu vois, c'est la merde et tout, tu sais. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, alors voilà quoi. Il y a un décalage, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Un décalage. Un décalage. Ça va être l'enfer. Mais c'est cool. Tu m'entends ? Ouais, ouais. Ah, ok. T'as eu Jeff, non ? Hein ? T'as vu Jeff ? Alors dis-lui... Il m'a dit, ouais. Peut-être ça le week-end prochain. Nickel. Et il peut venir vendredi s'il veut. Ok. Même jeudi si vous voulez. Ok. Voilà. Voilà. Ensuite, ben, je te présente Autiste. Nickel. Ouais. Tu peux te présenter toi-même, quoi. Ouais. Non, c'est bon. Bon, bah c'est fait. Tu peux te présenter quoi, mec ? Appelle Gab. Appelle Gab si tu veux qui parle. Viens, appelle Gab, ouais, pour voir. T'es là, Gab? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Viens, mec. Allô, Al? Ouais, ça va, mec. Ah, ça va faire un gros décalage maintenant. Attends, Gabi, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Alors, vas-y, on va attendre 30 secondes à une minute. Attends, dis rien pendant 30 secondes d'une minute, d'accord? Juste que ça se calme un peu, quoi. Ouais, j'entends rien. Non, mais attends un peu. Alors vas-y, on va attendre 30 secondes, 1 minute. 30 secondes, 1 minute. Dis rien, mec. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le bordel. Dis rien, Gabi, putain, on va rien se comprendre, c'est l'enfer. Ouais, t'as vu, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Faut arrêter qu'on parle, là. Faut pas qu'on parle pendant une minute, là. J'entends rien, c'est le bordel. Mais c'est tout à l'heure que je t'ai parlé, c'est pas maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, mais il y a un truc là. Alors vas-y, Gab. On s'en branle. Ouais, tu m'entends là? Ouais, c'est le porte-manteau. Ouais, bah vas-y. C'est le porte-manteau. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, là, je comprends rien, c'est génial. C'est moi-même. J'entends rien, mec. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'enfer, je m'enferme dans la salle de bain. D'accord, ça marche. Bah Gabi, il est où? Je m'enferme dans la salle de bain. Non, Gabi, tu restes avec moi, enculé. Bâtard, c'est moi qui suis tout seul maintenant. Il est là, il est à côté de moi. Ah, c'est bon, vous êtes là. Bon, ça va alors. Ouais. Merci les gars. Hein. Ouais, avec Yo dans la salle de bain. Ouais, ta gueule. D'accord, ben, dis à Gabi, merci. Quoi? Hein? J'ai pas compris. Bah non, c'est pas ça, c'est juste que... il est 11h, quoi. Ouais, bah ouais, t'as arrêté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la fin, ouais. De rien. Bah merci encore, mec. De rien. Ouais, de rien encore. Ouais. Putain, l'enfer, mais il est trop con, ce mec. Mais on comprend rien. On peut pas comprendre. Bon, allez, les gars, spéciale dédicace, mes parents, c'est des connards. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, voilà, c'est ça. Et, Autiste et Gab... Allez, là je vais couper les gars, d'accord? Ouais. Ça marche? Et du coup, Bah vendredi quoi. Ça marche, avec plaisir, jeudi même si vous voulez quoi, si vous pouvez. Attends, je te rappellerai pour laisser un message, c'est bon. Ça marche. Allez, ciao les mecs. Attends, je laisse un peu quand même, c'est marrant. Du coup, quand tu veux, je laisse le téléphone branché. Attends. Non, ouais, laisse le téléphone branché, ouais. Ciao les mecs. Ciao les mecs. Je coupe par sécurité diffamatoire. Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine ou canalsud.net. Sur le web. Le web est une espèce de machine qui vous attire et qui vous garde pour toujours et que vous ne faites rien dans cette machine, vous n'êtes rien, vous êtes une merde et vous vous enculez les uns les autres, comme Jésus l'a dit, enculez-vous les uns les autres et c'est là la morale de l'histoire, Jésus avait raison. Ouais! Il vaut mieux crever que de voir cette merde. La galère, avancez, ouais. Avancez plus vite que ça, bande de merde. Travaillez, trimez, bossez comme des merdes. Enculez-vous les uns les autres, ouais. Enculez-vous les uns les autres, ouais. Enculez-vous, ouais. Et je ne parle pas de sodomie. Vous êtes sur le point de mourir, vous avez bien de la chance. comme quoi l'égalité des chances et tout, c'est bien de la connerie ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Papa, maman, je t'encule. Va te faire enculer par papa, va te faire enculer par maman. Allez vous faire enculer avec une gueule de ceinture, j'en ai rien à foutre, vous êtes que de la merde. Vous êtes que de la merde. Wanna sing like a happy fuck you motherfucker. I hope you die. I hope you die in fucking suffering pain, man. Well, man, you die. You pieces of shit. Vous êtes de la merde. Crevez. Trimez et crevez.